Chapitre 29. Oh, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat. Je veux bien des galères. 50 galères. Et que tout soit dit, ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge. Mes grâces de la vie. Un forçat, cela marche encore. Cela va et vient, cela voit le soleil.